Troisième chapitre. Carthagène des Indes. La popa. La fête. Au lever du soleil, le Narcisse entrait, vent arrière, dans le chenal de Boca Chica. Bouche étroite, large à peine de quelques brasses et cependant assez profond pour admettre les plus forts navires de guerre. De chaque côté, on distingue les rochers aigus qui parsèment le fond de l'eau blanchissante. À mesure qu'on avance, la ceinture de récifs se resserre autour du chenal tortueux, débrisant, se montre dans toutes les directions. On ne peut s'empêcher de frémir en rasant de si près les écueils. À quelques mètres de distance, sur la gauche, au pied d'un promontoire de l'île de Tierra Bomba, s'élèvent les murailles blanches d'un fort aujourd'hui couvert d'arbustes et de ronces. À droite, sur un îlot de rochers jaunâtres environnés de récifs, une citadelle minée par les vagues déploie au-dessus des brisants la longue ligne de ses bastions aux embrasures vides. Dans le lointain, à l'extrémité de l'île Barou, toute verte de mangliers, apparaissent les ruines d'un autre fort également vaste. Telle était la première ligne de fortification qui protégeait l'entrée du port de Carthagène. Au dernier siècle, elle fut forcée par l'amiral Vernon, à qui, mieux défendue, elle pouvait opposer une insurmontable résistance. Il est vrai que cet amiral échoua devant la seconde ligne des forts et que 7000 Anglais payèrent de leur vie cette audacieuse tentative. Après avoir louvoyé pendant quelques minutes, nous entrâmes dans la rade de Carthagène, dont les eaux tranquilles ont une superficie de 18 000 carrés, complètement abritée du côté de la mer, au sud par l'île de Barú, à l'ouest par l'île de Tierra Bomba, des récifs et des bancs de sable, au nord par l'archipel sur lequel est construite la ville de Carthagène. Cette rade se développe en un magnifique demi-cercle pénétrant au loin dans l'intérieur des terres. Elle pourrait contenir des flottes. Je n'y vis que de misérables canots. Sur les collines où j'espérais distinguer quelques traces du travail de l'homme, je n'aperçus que des fourrés interrompus çà et là par des clairières au sol rouge et infertile. Deux ou trois villages d'Indiens groupés en désordre sur le bord de l'eau, leurs toits recouverts de feuilles. Enfin, le Narcisse doubla la pointe orientale de Tierra Bomba, sur laquelle sont construites les cabanes de Loro, village habité seulement par de pauvres lépreux, et devant nos yeux apparut tout à coup la vieille cité qui jadis se nommait avec orgueil la Reine des Indes. Magnifiquement assise sur des îles qui regardent d'un côté la haute mer et de l'autre l'ensemble des lagunes intérieures qui forment le port, entourée d'une ceinture de cocotiers, Carthagène semble s'endormir. Hélas, et ne s'endort que trop, à l'ombre de la popa, colline abrupte qui la domine à l'est. Deux grandes églises, dont les nefs et les clochers dépassent de beaucoup le reste de la ville, se regardent l'une l'autre comme des lions couchés et la longue ligne des remparts s'étend à perte de vue autour du port et sur les rivages de la mer. De près, la scène change. Les plantes grimpantes tapissent les murailles où se promènent de rares factionnaires. De grandes pierres tombées des créneaux forment des récifs sur lesquels la vague vient se briser. Quelques débris d'embarcations pourrissent sur la plage du port où flottent de rares goélettes. À travers les fenêtres des grands édifices aux toits effondrés, on aperçoit les nuages ou le bleu du ciel. L'ensemble de cette ville, à demi ruinée, forme un tableau à la fois admirable et douloureux, et je ne pus me défendre d'une émotion profonde en contemplant ces tristes restes d'une splendeur passée. Le matelot laissa tomber l'ancre du Narcisse et je descendis dans le canot avec le capitaine. Quant à Don George, il ne s'était pas même levé pour regarder la ville. Le placement de sa cargaison de cacao semblait l'inquiéter fort peu, sa seule occupation était en ce moment de rester à l'ombre précaire du grand mât afin de continuer sa sieste commencée, sans courir le risque d'être brusquement réveillé par les rayons brûlants du soleil. Il eut cependant la force de me faire un signe de tête en guise d'adieu, puis il se retourna sur le flanc et s'endormit. Quelques coups de rame suffirent pour nous amener au degré de pierre scellé à la base de la muraille, et je pénétrai bientôt dans la ville par une poterne obscure pratiquée au milieu du rempart. La première scène dont je fus le témoin, en mettant le pied sur le pavé de Carthagène, redoubla la tristesse que m'avait inspirée la vue des édifices ruinés. Sur une place, entourée de maisons noires à hautes arcades, deux hommes aux cheveux lisses, aux regards fauves, aux teints de couleur indécises, s'étaient saisis par les lambeaux flottants de leurs ruanas. Note 1. Vêtements analogues au poncho mexicain. C'est une couverture percée d'un trou au milieu pour laisser passer la tête. Dégainés en vociférant leur terrible machette, note 1, sabre recourbé, et tâchés de se pourfendre. Tout autour s'agitait confusément une foule sale et avinée. Les uns hurlaient en fureur. « Matalot, matalot, tue-le, tue-le !» Les autres faisaient dévier les coups de machette en retenant les bras des combattants. Pendant quelques minutes, je vis passer en se débattant ce tourbillon d'hommes au-dessus duquel les lames luisantes des sabres s'élevaient et s'abaissaient tour à tour. À la fin, on parvint à séparer les deux lutteurs et, suivis de leurs partisans, ils allèrent chacun de son côté dans quelques tienda. Note 2. Boutique, taverne, débit de vin et d'eau de vie. Où ils se vouèrent l'un l'autre la bouteille en main à tous les démons de l'enfer. Les femmes qui s'étaient mises aux fenêtres pour voir la rixe se retirèrent dans leurs appartements et la foule des spectateurs assemblés sous les arcades se dispersa. Je demandai la cause du tumulte. « Est-ce la fiesta ?»« C'est la fête, » me répondit-on avec un haussement d'épaules. Quand une ville est en décadence, on dirait que les habitants eux-mêmes participent au dépérissement des choses. Tout vieillit à la fois, hommes et édifices. Les météores et les maladies travaillent de concert à leur œuvre. Dans les rues sonores, que termine au loin la masse sombre des remparts et que bordent des couvents lézardés, de hautes églises aux murailles obliques, je voyais passer des boiteux, des borgnes, des lépreux, des infirmes de toute espèce. Jamais je n'avais vu tant d'éclopés à la fois. Certains carrefours me présentaient l'aspect d'une cour des miracles. Quand le commerce ou l'industrie abandonne une ville, une grande partie de la population se trouve déclassée et privée de but dans la vie. Elle s'agite encore pendant quelque temps à la recherche de nouvelles occupations, puis elle finit par tomber dans le vice et s'abrutit au physique aussi bien qu'au moral. Tel est le malheur qui a frappé la noble Carthagène des Indes. Je pensais involontairement à ces ports où, pendant les heures de marée, bondissent les vagues, entre les navires à voiles déployées, circulent incessamment les barques portant des matelots joyeux. Tout y est alors animation et vie. Mais vienne la basse mer, il n'y restera plus que les vases fétides où grouillent des vers à la recherche d'affreux débris. Il y a 200 ans, Carthagène servait d'entrepôt au commerce des îles Philippines et du Pérou et monopolisait en entier celui de l'Amérique centrale et de la Nouvelle-Grenade. Alors, tout grand port marchand devait être en même temps un port de guerre, surtout dans une mer comme celle des Caraïbes où chaque vague portait un pirate. De tous les points de la côte, d'où l'on peut exporter en Europe les produits du bassin de Magdalena, un par excellence, Carthagène est facile à défendre et pour cette raison, le gouvernement espagnol lui avait donné le monopole des échanges sur une longueur de 3000 km de rivage. Depuis, les choses ont changé les colonies espagnoles se sont détachées de la mère patrie. Des ports libres se sont ouverts au commerce du monde sur toutes les côtes de la mer des Caraïbes et du golfe du Mexique. La paix est devenue l'état normal des nations et il a été permis d'échanger des marchandises ailleurs que sous la gueule des canons. Aussi, la prospérité factice de Carthagène, qui reposait sur le monopole, s'évanouit avec la liberté. La population, de plus en plus misérable, diminua des deux tiers et maintenant, elle n'atteint pas même au chiffre de 10 000 âmes. Il y a quelques années, le congrès grenadin, dans le louable désir de faire revivre le commerce de la cité déchue, a passé une loi exemptant des droits de douane tous les navires qui importent des marchandises à Carthagène. Le gouvernement a donc rétabli le monopole sous une forme déguisée, car dans tous les autres ports de la République, les droits s'élèvent en moyenne à 25%. Les défenseurs de la loi soutenaient qu'il fallait donner cette récompense à la fille aînée de la liberté, à la ville qui, la première, avait secoué le joug de l'Espagne. Mais, au nom de la liberté, n'eût-il pas été plus juste de maintenir tous les ports dans le droit commun et d'y abaisser uniformément les tarifs d'importation ? Ce n'est pas sur le privilège que Carthagène pourra jamais fonder une prospérité sérieuse. Cependant, il est inévitable que l'antique reine des Indes se relève de ses ruines, car sa position géographique est admirable. Assise sur le bord d'une mer sans orage, située à peu près à égale distance du golfe de Darien où se jette l'Atrato et du Rio Magdalena, elle servira nécessairement tôt ou tard d'intermédiaire commercial entre les bassins de ces deux puissants fleuves. Elle n'est séparée d'Aspinwall et des autres ports de l'isthme que par la largeur d'un golfe étroit et peut communiquer avec ces divers points plus rapidement que toutes les autres villes de la République. Sa rade est l'une des plus belles du monde entier et l'on pourrait très facilement y creuser des bassins à flots et des bassins de carénage nécessaires aujourd'hui dans tous les grands ports de commerce. L'entrée de Boca Chica est trop étroite peut-être, mais pourquoi ne pas nettoyer Boca Grande, large bras de mer qui sépare de l'île Tierra Bomba la pointe sablonneuse de Carthagène. Avant 1760, époque à laquelle le gouvernement espagnol, en guerre avec les Anglais, fit obstruer ce détroit de pierre et de sable, il offrait un chenal assez profond pour les plus grands navires. Qu'on le creuse de nouveau afin d'épargner aux embarcations le détour et les dangers de l'entrée par Boca Chica et Carthagène aura peu d'égal dans le monde comme situation commerciale. À l'avantage de posséder un port de mer admirable, Carthagène joint celui de pouvoir acquérir, quand elle le voudra, un excellent port de rivière. Un ancien bras du Rio Magdalena se détachant de ce fleuve près de la ville de Calamar à 150 km en amont de l'embouchure allait jadis chercher une voie plus courte vers la mer et se déverser au village de Pazacabalos dans la rade même de Carthagène. Plusieurs compagnies, dont une anglo-américaine, se sont formées l'une après l'autre pour élargir et approfondir ce canal ou dique en partie oblitéré. Déjà, de petits bateaux à vapeur ont pénétré par cette voie dans le Rio Magdalena. Faute d'argent, l'entreprise n'a pas encore été menée à bonne fin, mais elle ne peut manquer d'être tôt ou tard renouvelée. Alors, l'artère centrale de la République grenadine sera en communication constante par la vapeur avec le meilleur port des côtes. C'est à des ressources naturelles de ce genre que des citoyens énergiques doivent faire appel pour relever la ville et pouvoir lui donner le titre de capitale sans ironie ou sans ridicule vanité. Depuis que la Nouvelle-Grenade s'est constituée en République fédérale, Carthagène est devenue le siège du gouvernement de l'État de Bolivar, grand comme 10 de nos départements français. Mais la prépondérance politique de la nouvelle capitale ne lui assurera qu'une vie factice si le commerce et l'industrie ne se relèvent pas en même temps. La cathédrale est le principal édifice de Carthagène, mais elle n'offre que des restes de sa splendeur passée. Sa haute tour menaçante est noire et lézardée comme le donjon d'un château fort d'Europe. Les pierres tumulaires qui forment le pavé de sa nef sont disjointes et les inscriptions effacées. Seule la chaire, plaquée de marbres en mosaïque et décorée de figurines en ivoire, est encore parfaitement conservée. Cette œuvre d'un sculpteur italien offre de charmants détails. C'est l'un des très rares objets d'art que l'on rencontre dans le Nouveau Monde. Moi qui venais des États-Unis, ce pays où, par amour de l'art, on blanchit les arbres jusqu'à hauteur d'homme, je n'avais pas le droit de me montrer difficile et je me sentis vraiment émue à la vue de ces charmantes figurines. De même que la cathédrale, les autres édifices publics de Carthagène, couvents, hôpitaux, églises, sont extrêmement vastes et occupent en étendue une grande partie de la ville. Mais ils s'écroulent et, comme toutes les ruines, ils gagnent à être vus à distance. Leur majestueuse beauté consiste surtout dans l'harmonie de leurs contours avec l'horizon qui les ceint de ses flots et de ses rivages, avec le ciel qui les recouvre de son dôme infini. Aussi me hâtais-je de monter sur les remparts, d'où je pouvais en même temps contempler la mer et voir la cité sous son aspect le plus pittoresque. Les murs, peu élevés et larges de plusieurs mètres, offrent autour de la ville une belle promenade pavée de longues dalles de pierre. Ils sont encore solides comme autrefois, et la mer qui en ronge lentement la base en a détaché quelques blocs à peine. Mais les canons qui passaient leur gueule à travers les embrasures ont disparu. Le gouvernement de la Nouvelle-Grenade, trop faible aujourd'hui pour défendre sérieusement ses ports de mer, a eu le bon sens de vendre les poudres et les canons de Carthagène à un industriel yankee pour une somme ronde de 120 000 piastres. Et il a fait couper en morceaux les affûts pour les distribuer aux pauvres comme bois de cuisine. Plus au peuple que pareille mesure fut prise dans tous les pays du monde. Lorsque les nations cesseront de guerroyer entre elles et formeront une perpétuelle alliance, la République grenadine pourra revendiquer l'honneur d'avoir la première licencié son armée et démoli ses forteresses. Après avoir fait le tour de la cité, je me dirigeais vers la Poppa, dont la masse abrupte domine le petit archipel de Carthagène. Je me frayais un chemin à travers les groupes d'Indiens, de Métis et de Noirs qui stationnaient devant les tiendas en l'honneur de la fête et prenant pour guide quelques mulets fiers de porter leurs selles vides et leurs housses rouges, j'atteignis en quelques minutes le sommet de la Poppa. À mes pieds se dressaient les tours, les hautes murailles, les terrasses de la citadelle couvertes d'arbres et semblables à des jardins suspendus. À travers le feuillage des cocotiers qui frangent le pourtour de ces terrasses apparaissait l'eau tranquille du port et de ses canaux. Plus loin, la ville emprisonnée dans ses remparts massifs élevait les clochers et les façades à jour de ces couvents ruinés et se dessinait en noir sur le vaste demi-cercle de la mer, resplendissant aux rayons du soleil couchant. Les îles et le continent offraient le contraste le plus absolu. D'un côté, les îlots épars au milieu de la rade ressemblaient à des forêts flottantes détachées d'un paradis terrestre. De l'autre côté, se prolongeait une chaîne de collines rougeâtres, n'offrant nulle part cette fougue de végétation qui donne à la nature tropicale une si merveilleuse grandeur. On eût dit que la longue traînée d'écume qui borde le rivage séparait deux zones l'une de l'autre. Il était nuit quand je me retrouvai sur la grande place de Carthagène. Le palais de la Gobernación était brillamment illuminé. Des musiciens montés sur une estrade soufflaient du cor, du trombone, du fifre, raclaient du violon, de la contrebasse avec un entrain féroce. La place entière était transformée en une vaste salle de danse et de jeu. Des hommes et des femmes, étroitement enlacés, se mouvaient en une immense ronde entraînée par cette danse si répandue dans l'Amérique espagnole qui consiste à glisser imperceptiblement sur le sol en agitant les hanches. On ne voit pas le mouvement des pieds, mais seulement la torsion fébrile des corps noués l'un à l'autre. On dirait que la terre elle-même tourne sous les groupes convulsifs tant ils avancent silencieusement, emportés par une force invisible. J'éprouvais une espèce de terreur en voyant lentement passer sous les lumières tremblotantes, attachés aux piliers, ces corps haletants et renversés en arrière, ces figures noires, jaunes ou bariolées, toutes secouant sur leur front des cheveux en désordre, toutes illuminées d'un regard étincelant et fixe. C'était une danse démoniaque, un sabbat infernal. De longues rangées de tables de jeu, couvertes de cartes souillées par un long usage dans les tavernes, s'étendaient autour de la place. Elles étaient incessamment assiégées par des hommes, des femmes et des enfants qui venaient y perdre à l'envi leurs cuartillos et leurs pesetas. Un tumulte effroyable s'élevait à chaque coup malheureux. Les malédictions, les menaces terribles se croisaient. Cependant, je ne vis nulle part reluire l'acier des machettes. L'air était suffocant et chargé de chaudes émanations. Pouvant à peine respirer, je me dégageai de la foule et m'enfuis sur les remparts solitaires. Quel soudain contraste entre les hommes et la nature! De longs reflets s'agitaient sur les eaux et mouraient autour des bancs de sable. Quelques palmiers s'inclinaient çà et là sur les promontoires. La lune brillait à travers les lézardes des tours chancelantes. Les collines dessinaient sur le ciel leurs profils lointains. Les échos de la place s'évanouissaient comme un vain bruit sans troubler la solennité de l'ensemble. La lente respiration de la mer scandait la nature, pour ainsi dire, et donnait un rythme lugubre à la poésie des ruines et de la nuit. Fin du troisième chapitre.